podcast France Culture. La préhistoire du futur, de Benjamin Habitant. Saison 4. Épisode 3, la grande boucle. Il y a bien longtemps, en 2022, on a appris que Steve Jobs n'était pas vraiment mort. But there is one last thing. Je ne suis pas un hologramme, mais le vrai Steve Jobs qui vous parle depuis une dimension parallèle à travers les couloirs de l'espace-temps. Nous avons trouvé une solution pour rejoindre directement 1976 depuis 2011, et ainsi revivre éternellement en boucle les années 80 et 90 en gardant le souvenir des itérations précédentes, afin d'être sûr de vraiment écraser Microsoft. Et sur un autre plan, les communistes. Tous les iPhones, iPods et autres gadgets n'était qu'une diversion pendant la mise au point de ce dispositif que nous appelons la grande boucle. L'accès premium à la grande boucle coûtera 129 € par mois pendant toute la durée d'utilisation. Résiliable une fois tous les 35 ans, si vous voulez revenir dans cette époque de loser, respecter l'environnement et le droit du travail, et payer l'impôt sur les sociétés. Évidemment, ce service s'adressait d'abord aux boomers nostalgiques. Et voilà, 129 €. Tu te rends compte ? Je vais réaliser mon rêve de voir un concert de Cat Stevens avant qu'il devienne terroriste. Mais quelques jeunes leur emboîtèrent le pas. Qu'on appela néo-boomer. Ah, 1976, enfin. J'ai toujours rêvé de mettre des francs dans un jukebox, c'est trop cool. Tiens, c'est qui ? Je sais pas. Bon, on fait quoi maintenant ? Une fois dans la grande boucle, vous ne pouviez plus en sortir. Il fallait attendre d'être revenu en 2011. Quand ce temps était arrivé, la plupart des néo-boomers étaient devenus des boomers tout court. Comme les années 2010 ne faisaient envie à personne, la plupart repartaient pour un tour. Payant leur abonnement sans vergogne avec le fric des retraites. Monsieur, vous faites quoi là ? Oh, mais renvoyez-moi en 76. Pas moyen de pêcher tranquillement la dynamite dans ce pays. De ce fait, de plus en plus de gens se retrouvaient dans la grande boucle. Comme ils arrivaient avec leur compte en banque de 2022, ils ne se gênaient pas pour faire flamber l'immobilier. Et si on achetait une cinquième villa sur la Côte d'Azur, une troisième maison dans les Landes et un deuxième duplex à Paris ? Tu crois pas qu'on en a assez déjà ? Mais ils disent que ça va encore monter. Et comme cette hausse se répercutait dans le futur. Et vous acceptez les intermittents ? Oui, bien sûr. Si vous pouvez justifier de 3 fois le montant du loyer, soit 150 000 €, il n'y a pas de problème. D'accord. Par contre, il vous faut un garant dans la grande boucle. La plupart des ménages se retrouvaient contraints d'entrer à leur tour dans la boucle. Qu'est-ce qu'on va foutre en 76 ? Moi, tout ce qui m'intéresse dans la vie, c'est de jouer à Candy Crush. Ben, t'as plus qu'à attendre. Mais l'espérance de vie, elle, ne bougeait pas. Selon l'âge auquel vous entriez dans la boucle, vous pouviez très bien perdre l'usage de vos pouces longtemps avant l'apparition de Candy Crush. Si c'était là votre idéal. Quelle ironie. Il nous a quittés avant même de pouvoir jouer au Snake sur son Nokia. Non, le mieux était d'embrasser pleinement la culture de la grande boucle. Désormais considéré comme un pays indépendant selon les lois intertemporelles. Bienvenue dans la grande boucle, ou comme on nous surnomme dans les autres époques, Boomerland. Voici vos chemises à fleurs et vos cocktails de bienvenue, et aussi ces casquettes marrantes avec des petites hélices. Merci. Où est-ce qu'on met les emballages ? C'est fou comme on reconnaît tout de suite les nouveaux. Dans la grande boucle, les boomers revendiquaient fièrement ce qu'ils appelaient leur style de vie. Même les programmes scolaires étaient revus en conséquence. Les enfants, ouvrez vos livres d'appropriation culturelle, page 106. Qui peut nous lire l'introduction ? Oui, Moussa ? Mystérieuse et ténébreuse Afrique. Depuis la nuit des temps, les tam-tams résonnent dans la savane inquiétante. Dans la grande boucle, il n'était pas non plus question d'arrêter la guerre froide. Maman, pourquoi ils sont méchants les communistes ? Parce que c'est plus simple. Pas mal de personnalités politiques s'étaient payé un abonnement. Dès la deuxième itération de l'année 1981, Donald Trump gagna la primaire républicaine contre Ronald Reagan. Et, après une campagne cofinancée par son double, devint le 40e président des États-Unis après avoir été le 45e. Et le premier chef d'État a existé en deux versions à la fois. Et puis il est bizarre ce Gorbatchev. C'est quoi cette tâche qu'il a sur la tête? C'est pas sérieux. Honnêtement, je vais vous dire, les Russes qu'on avait quand j'étais président en 2016 étaient beaucoup mieux. Bon, il faut que je vous laisse. Je dois aller jouer au golf avec moi-même. Et bien sûr, Steve Jobs et Bill Gates pouvaient continuer leur bras de fer à l'infini. Ce qui était quand même l'objectif de départ. On l'apprend à l'instant, Steve Jobs, aux commandes d'un exosquelette Apple, équipé de fusils à plasma, vient de prendre le contrôle des bases de Microsoft sur les lunes de Mars. Une faille de plus dans Windows 95, aurait-il déclaré, avant d'amorcer une triple bombe à hydrogène. Tout ça contribuait à dessiner une atmosphère unique. De plus en plus de gens succombaient à l'appel de la Dolce Vita de Boomerland. Et cet exode temporel massif eut pour effet d'accélérer drastiquement la pollution atmosphérique, la pollution des océans, la surpopulation mondiale et toutes sortes d'indices flippants pour les gens qui en étaient sortis ou pire, pour ceux qui n'y étaient jamais entrés et dont tous les amis avaient désormais l'âge de leurs parents. Camille, Demi, ah, ça fait plaisir de vous voir. Alors, quel bilan vous tirez de votre séjour dans la Grande Boucle? Écoute, ça nous a ouvert les yeux. Ah, super. Oui, il y a quand même un gros souci avec les immigrés dans ce pays. Oui, le vrai problème, c'est le fanatisme religieux. Car après deux ou trois itérations de la Grande Boucle, les vieux devenaient trop vieux. À part Steve Jobs et Bill Gates, qui avaient inventé la vie éternelle avec des nanorobots et se livraient à une lutte technologique sans merci sur les lunes de Mars. Et les gens finissaient par émerger en 2011, plein de fric et d'envie de confort, bien décidés à se payer des résidences médicalisées hors de prix. 10 ans plus tard, la pyramide des âges était comme un parpaing en équilibre sur un roseau. Le roseau finit par céder. J'en peux plus de tous ces vieux! Vite, 2 allées simples. Mais pour aller où? À ton avis. Quand il n'y eut plus que des vieux dans le présent, et que la Grande Boucle fut tout à fait saturée, on se mit à chercher autre chose. Ton double de 1976 a répondu à mon mail. Il refuse de nous accueillir et dit que vous êtes trop nombreux. J'ai vu qu'il y avait des maisons pas chères en Corse en 1890. Mais... je sais, il n'y aura pas encore Candy Crush, mais au moins on pourra se payer une baguette. Par contre, faut qu'on fasse un stock d'anti-moustiques avant de partir. Mais on ne trouve rien. Heureusement que Steve Jobs a construit ses résidences médicalisées sur les lunes de Mars. Sinon, on ne sait pas ce qu'on aurait fait. Il est l'heure de chanter les louanges du maître. Louange à toi, Steve Jobs, créateur du ciel et de la terre. Donne-nous aujourd'hui notre réserve d'oxygène et prélève le montant de notre forfait sur notre compte PayPal. Prends pitié de nous et ne nous soumets pas aux rayons destructeurs de ton exosquelette de nouvelle génération, car jamais nous ne quitterons l'écosystème Apple qui nous protège des tempêtes solaires et permet la synchronisation des items. Laisse-nous rester à jamais tes esclaves, ô Steve Jobs, par-delà ta propre mort et la nôtre. Et surtout, fais en sorte qu'on puisse jouer à Candy Crush et faire des selfies en 4K. Merci pour votre fidélité. Une journée de survie supplémentaire a été créditée sur votre compte. À demain. Ça fait du bien. Oui. Quelqu'un veut voir comment j'ai classé ma photothèque? Non, merci. Non, merci. Non, ça va. C'était La Préhistoire du futur, de Benjamin Habitant. Avec Grégoire Bauja, Bernadette Le Sachet, Benjamin Vangerné, Charlotte Cormont, Daniel Berlioz, Manon Kou, Grégoire Tachnakian, Laure Babled, Samuel Charles, Dominique Valadier, François Chateau, Adrienne Villeming. Et les voix de Thierry Garcia, Valentine Joubin et Clémence Boucher. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Bruitage, Sophie Bissens. Prise de son, montage et mixage, Éric Boisset et Pierre Henry. Assistante à la réalisation, Manon Dubus et Anissa Zidna. Réalisation, Benjamin Habitant.